Mais c'est qui ce mec? L-A-P-O-S-T-R-O-F Artiste 137 La théorie à la pratique arrive. T'as reconnu la voix, baby? That's me, encore une nouvelle tuturie. Toujours pas de futuring, normal, j'bosse avec le talent, oui. Bientôt ma sortie, mon sort MC n'est pas faire tes premières parties. On parle de moi chez tes amis, j'suis ton ennemi, arrête de dire des conneries. Face à moi t'as des années, ce que j'fais maintenant tu feras peut-être jamais. Tu veux me comparer avec qui? Dis-moi tout, j'ai envie de me marrer. J'l'aurais mis profond, Marignane, Marseille, mon son à fond. La jalousie sur les visages, mon love à mes frères rasés, ceux avec les tisages. Toi de là, fais de la place, regarde ta montre, c'est mon meurtre. J'monte tellement haut, à côté de moi t'as des frayeurs. Pas là pour vous plaire, ma musique elle vous emmerde. J'suis là pour gagner mon frère, t'inquiète que tout seul moi j'peux le faire. Pas là pour vous plaire, ma musique elle vous emmerde. J'suis là pour gagner ma sœur, t'inquiète que tout seul moi j'peux le faire. Dis-moi tu t'es pris pour qui, rien que tu insultes gratuit. Franchement, évolue ton rap, il est révolu. Comme une bastos dans la bouche ou discours d'Obama face à un proche de Bush. J'ai le son qui fait bouger les as, qui fait bouger la masse, qui remet tout le monde à leur place. Qu'est-ce qui se passe, je suis trop speed, on dirait que j'ai pris des tasses. J'fais du buzz pour mon blague, j'rache là, j'attention fait de la place. Complètement à côté de la plaque, au lieu d'aller à la muscu, revois un peu ton rap. Et des blabla, parce que moi voilà j'y crois pas. Ils veulent me test, mais je suis trop carré, trop qu'un riz, trop en avance, mon style est trop heavy. Appelle-moi L'apostrophe artiste, la théorie à la pratique. Arrête de là, fais de la place, regarde ta montre, c'est mon heure. J'monte tellement haut, à côté de moi t'as des frayeurs. Pas là pour vous plaire, ma musique elle vous emmerde. J'suis là pour gagner mon frère, t'inquiète que tout seul moi j'peux le faire. Pas là pour vous plaire, ma musique elle vous emmerde. J'suis là pour gagner ma sœur, t'inquiète que tout seul moi j'peux le faire. Ma musique pour faire la fête, appelle-moi l'artiste, j'viens du 137. Que du son qui pète, les gens se disent mais c'est qui ce mec. Ma musique pour faire la fête, appelle-moi l'artiste, j'viens du 137. Que du son qui pète, les gens se disent mais c'est qui ce mec. Casse-toi de là, fais de la place, regarde ta montre, c'est mon heure. J'monte tellement haut, à côté de moi t'as des frayeurs. Pas là pour vous plaire, ma musique elle vous emmerde. J'suis là pour gagner mon frère, t'inquiète que tout seul moi j'peux le faire. Pas là pour vous plaire, ma musique elle vous emmerde. J'suis là pour gagner ma sœur, t'inquiète que tout seul moi j'peux le faire. Yeah! L'apostrophe artiste.